bricole. Eh bien, il n'y a pas grand chose à dire. Les gens, pour la plupart, font tout pour y aller. Mais j'avoue que j'ai tout fait pour en sortir. École. Eh bien, il n'y a pas grand chose à dire. Les gens, pour la plupart, font tout pour y aller. Mais j'avoue que j'ai tout fait pour en sortir. Il n'y a pas d'effet physique gravissime, enfin très important du cannabis, qui fait que tout le monde peut dire ouais, c'est pas si grave que ça. Il y a un effet psychotrope qui existe, mais qui n'est pas dramatique non plus. Donc il peut y avoir des défenseurs du cannabis comme il peut y avoir des attaquants du cannabis. Donc c'est un sujet parfait pour s'engager.